5, 9, malgré 6, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, vas-y, pleure pas, que je trêve aujourd'hui, en fait, tu t'en bats les rares. Le temps c'est de l'argent, t'as dit que le temps ne valait rien. Le pire auditeur, tu veux que je rappe ce que tu veux entendre. J'arrive, je t'avais cramé, laisse tes projets en sang. Tu veux du H, j'en ai pas, des hold, j'en ai pas. Mais je te dis pas que j'en ai, si j'en ai pas. Moi c'est un fait quinté, je suis là pour présenter. Là pour leur montrer que mon univers AP vont tout démonter. Prends mon flanc, là dans la pété, je rentre ouvert comme un gros télé. Pas prêt à tomber, devant les condés. On n'est pas là pour danser, pour défoncer. Les gars, nous pour foncer, dans le tas, mais pour dénoncer. L'état et leur système constant, on va la racher. 5, 9, 6 midi, un pas. Même s'ils sont des mythos, moi je suis un vrai, je m'en bats. Pour l'instant, je suis neige, mais t'inquiète, le temps passe. On fera notre coup d'état, on va escalader les restes. On va le déprod et tes textes, on vient avaler les restes. Si tu me vois sur une instru, un prédateur, un intrus, un imprimé dans le rap. Je t'en plein de cru, ils sont du nord, des vrais. Mes frères, sans la haine, si tes gorges, mes frères. Alors on va te dire que nous sommes mal barrés. Premier street album de ouf, de toute façon on est taré. Pendant que tu cherches les emmerdes sur la trousse, tu pleuras. Nous on gagne, mais 100 mètres, on est parti pour faire monter la pression. ADR crew attaque à tout moment, tu devrais faire attention. On est parti pour faire témoin la pression. Tu l'as compris, dans les prochains sauls, 59 rentre en action. Si, si, si, midi, si, midi, oh. Oh, oh, un PAKT. Adrénaline 2009, la pub des boîtes tout. Album. Ah. www.adrenaline.fr. Si, si, ouverture du site, ma gueule. Ouais.